Chapitre 26. La cour du dépôt. Ah, il n'était pas patient comme son père, le gosse. Sûr qu'il en crèverait un. Sa marotte tournait à l'obsession. Nature simpliste et résolue, il allait droit au but. Mort aux vaches! C'est à cela qu'il songeait, assis sur le banc de fer, mordant à sa boule rageusement, indifférent au grouillement du tas. Veux-tu être aboyeur? Lui demanda brusquement un gaffe. T'as de la gueule, hein? Charlot secoua la tête furieusement. Il ne voulait rien savoir, et le gardien passa à un autre, qui accepta la fonction. L'auxiliaire aux gamelles, ou plutôt aux terrines, si nous nous reportons à l'époque, blâma le grand Charles. T'es rien manche, grasseya-t-il en passant. Tu te serais envoyé une gobette à l'œil. Marée, barre, gronda le fils Chopin. « N'en v'là une teigne !» ronchonna l'oxyco en se défilant avec sa vaisselle. Le surveillant avait enfin dégoté son aboyeur. Aujourd'hui, ces messieurs font eux-mêmes le service. Et un fonctionnaire à rouflaquette appelait d'une voix traînante. « Allons, le nommé Grognole ! Grognole ! Alexandre ! Il a 27 ans ! À l'instruction !» Et le prévenu, ainsi interpellé, de sortir. L'aboyeur continuait sur le même ton. « Le nommé Chansard. Chansard, Alfred. Allons. Le nommé Chansard. À la photographie. Allons. Le nommé Ringlet. Ringlet en Joseph-Henri, chez monsieur le directeur. Allons. Le nommé Renouillard. Renouillard André au parloir. Allons, le nommé Grégère. Grégère Hippolyte. Il a 57 ans. Avec ses effets, Grégère Hippolyte, en jugement. Et ainsi de suite. À chaque coup de gueule, un homme se débinait. Les feuilles d'aboyage tiraient à leur fin. Le détenu aboyeur appela une 20aine de noms à la file et cria « Avec armes et bagages, en prévention !» La voiture pour Mazas s'attendait à la sortie, prête à accueillir la grappe humaine. « Allons, le nommé Roumas ! Roumas, Antoine, à l'anthropométrie ! Le nommé Vérignac, en jugement !» Et ce qui produisit une rumeur de folle envie dans la foule des prisonniers de tout acabit. « Trimardet ! Trimardet Pierre ! Il a 37 ans, en liberté !» On escorta le Vénard, un rude type de cheminot endurci à la bracaille, au braconnage. Enfin, « Allons ! Le nommé Misouret, Misouret Alphonse Jean-Marie !» Il a 71 ans, à la visite. Et comme Misouret ne répondait, Lina courait à l'appel de son nom, l'aboyeur éleva la voix. Allons, Misouret, Alphonse Misouret, dit le grelotteux, chez monsieur le docteur. Il a 60 et... Il est mort, cria-t-on du fond. Oui, le vieillard s'était écroulé sous le banc, et on avait beau le remuer, il ne bougeait plus, et pour cause. Nous avons mis son histoire et son oraison, par lui-même, dans ses vers tristes. Vrai, il y a des mois qu'on n'a pas de veine. Quand je dis des mois, je sais pas ce que je dis. Je m'ai toujours connu dans la peine, sans un pélo, sans un radis. Ça serait pas trop tôt que je boulotte. Je vais tomber malade à la fin. Il fait chaud, et pourtant je grelotte. C'est la fièvre ou ben la faim? Nom de Dieu, je suis pas à mon aise, c'est épatant. Je sais pas ce que j'ai. Avec ça, j'ai la gueule mauvaise. C'est pourtant pas ce que j'ai mangé. Si j'aurais mangé de la gibelotte, ça sentirait meilleur. C'est fin, c'est bon, c'est chaud. Oh, ce que je grelotte, c'est la fièvre ou ben la faim. Allons bon, voilà mes dents qui claquent. Je sais pas ce que j'ai, c'est épatant. J'entends les os de mes jambes qui plaquent contre les parois de mon culbutant. Je suis foutue si j'ai la tremblotte. Je suis plus dauphinée, je suis pas dauphin, je peux pas me soigner. Ah, ce que je grelotte! C'est la fièvre ou bien la faim? Et puis je sens la sueur qui me coule, à férigole dans le creux de mon dos. Je vais crever. J'ai la chair de poule, c'est fini. Tirez les rideaux. Bonsoir, la soque, mon vieux Alphonse. Il vaut peut-être mieux que ça soit la fin. Ici-bas, quoi que j'étais, un gonce. Là-haut, je serais peut-être un séraphin. Le gardien avait à son tour constaté le décès et ordonné brutalement à un auxiliaire. La boîte à dominos! 5 minutes après, Alphonse Jean-Marie Misouret, dit le grelotteux, était expédié à l'académie. Cher à scalpel. Comme la nuit venait, le misérable bétail remonta à la grande salle et s'endormit du mauvais sommeil des geôles, coupé de cris d'épouvante et de sanglots. Et les paniers à salade venaient d'heure en heure déverser leur trop-plein. Il n'y avait plus assez de paillasses et les derniers arrivaient bâchés à francs-carreaux. À l'aube, Charlot, qui était en train de faire ce beau rêve qu'il en crevait un, enfin, rebondit sur sa paille vivante et grouillante. On cornait son nom à tue-tête. Le nommé Chopin! Chopin Charles! Avec ses effets! C'est bon, grogna-t-il, on y va! Le gaffe le releva du péché de paresse à grands coups de clé dans les côtes. À la petite roque, jusqu'à ta 21e gardement! Le grand Charles eut un drôle de regard, puis fila, les dents serrées.